Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Chronique stéréotonine en compagnie de Sophie Laforêt. Sophie, bonjour. Bon matin, messieurs. Hey, bon. Tu nous as fait bon peur. Matin, Sophie. Ah oui? Non, on pensait qu'il t'était arrivé un petit accident. Sophie n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais pas loin. OK. Comment vas-tu ce matin, ma chère? Ben, écoute, je vais vous avouer, je suis un peu fatiguée ce matin. Ben, voyons donc. Ben, bienvenue dans le club. Hey, merci. Ouais. Hier, on avait un bowling pour mon association étudiante et c'était quelque chose. Un bowling? Un bowling. Rien de moins. Ouais. Ouais, mais c'est pas fatigant, le bowling? Ah, mais ça, en tout cas, ça s'est fini à la chasse-galerie au karaoké les mardis. Ah, voilà. Ah, OK, là, tout s'explique. Les petits breuvages. Les petits breuvages qui fatiguent le lendemain matin. Hein? Non? Bon, pas tant les breuvages, là, non? Mais okay. L'heure du coucher. L'heure voilà. Tardive. Mais trêve de tranche de vie. Ouais, on arrête dit. Ça là. Donc, ce matin, Sophie, je vous parle, oui, c'est parles, ça, oui. Du festival M pour Montréal. M pour Montréal, 19 au 21 novembre. Exactement, qui est un autre festival, parce que là, c'est dur des fois de se retrouver dans toute cette panoplie de festivals. Il y en a partout, finalement, mais bon, moi, je m'en plains pas, parce que des fois, on peut pas être disponible pour toutes les dates. Donc, plus il y en a, plus on a de possibilités d'aller voir des spectacles. Ce que je voulais, en fait, expliquer, c'est que M pour Montréal, il y a quatre volets. Il y a aussi M sur les quais l'été, donc il y a des spectacles qui sont organisés. M sur la route et mini M. Donc, il y a trois volets. Et si vous voulez connaître ces autres volets, je vous invite à aller voir le www.mpourmontréal.com. Est-ce qu'il y a M&M? Non, il n'y a pas M&M. Ah, esprit de bottine. OK, je te laisse poursuivre. Oui. Puis donc, pour ce qui est du festival donc, qui s'en vient, c'est trois jours de spectacle avec 30 bennes en quatre lieux. Et c'est la quatrième édition cette année, donc ça fait quatre ans déjà que ça se déroule. C'est le temps d'une fin de semaine. Donc, ça commence jeudi soir, vendredi soir, samedi après-midi et samedi soir. Et donc, je peux vous énumérer quelques groupes qui y seront. Ben vas-y donc, oui. Donc, il y a... Tente-nous. Je vais vous tenter assurément. Donc, il y a des volets anglophones. Le jeudi soir, dès 8h30, au Cabaret Studio Juste pour rire. Ça, c'est sur Saint-Laurent. Donc, il y a la formation de Rural Alberta Advantage, You Say Party, We Say Die, Think About Life, Final Flash, The Luyas et Miracle Fortress. Il y a des formations là-dedans qui figurent dans les palmarès. C'est fou. Oui, You Say Party, We Say Die et Think About Life aussi qui a été dans les palmarès. Et donc, ça, c'est un volet anglophone. Pour les spectacles qui sont en soirée, c'est au coût de 12 $. Donc, c'est pas très dispendieux encore là pour voir 5 à 6 formations. Sylvain nous voit venir, c'est bien moins cher qu'une pièce de brou. Bon, 60 $ le billet. Mais là, ça s'en vient, hein? On en reparlera, mais je pense que c'est en fin de semaine. Là. Ouais, en fin de semaine. C'est nous autres, on y va. Vas-y. Je pense que c'est lundi ou mardi. Là, on est quelle date? Là, on est le 18, mon cher. Je crois que c'est le 24, nos billets. Moi, tu nous en reparleras? Ben c'est certain. Parce que là, ça va revenir frais à mon esprit, parce que c'est, je suis vieux, hein? Fait que ça fait longtemps que je suis allé. Bon, on t'écoute, Sophie. Okay. Oui. Pas de problème. Sinon, donc le vendredi soir, encore une formule anglophone dès 8h30, toujours au Cabaret Juste pour rire, avec la formation Parlerve. Parlerve qui était venu au Nord-Ouest avec We Are Wolves il y a deux semaines. Oui. Donc, très bonne formation. Sinon, Silly Kisser, Two Hour Traffic, Le Matos et Silver Starling, encore une fois au coût de 12 à 13 $ pour 5 à 6 groupes. Et le samedi, pardon, 21 novembre en après-midi, donc dès 15h au Petit Campus, ça c'est près du Carré Saint-Louis à Montréal. Oui. Et donc, c'est un premier bloc francophone et je risque d'y aller parce que, bon, je trouve ça important quand même d'aller encourager. Puis en plus, il y a plein de formations là-dedans que j'ai jamais vues et que je voulais voir. Donc, Marc-Pierre Arthur, Orange Orange, La Patère Rose, Géraldine et Auto Mélodie. Et là, c'est au coût de 8,50 en pré-vente. Très peu dispendieux. Plus et 10 $. Ça avance, moins c'est cher. Oui, pour la prestation d'après-midi, c'est moins cher. Et sinon, le samedi 21 novembre au Métropolis, ça, c'est la grande finale à 20h. Et là, c'est au coût de 25 $, un peu plus cher, avec Malajube, DJ Champion, Mistress Barbara, Melissa of Darmar, Xavier Catherine et Fuck Top. Excusez-moi, mais rien c'est ça le nom moins. Du groupe. J'adore le nom de ce groupe-là. Fuck Top, là. Ah ouais? C'est dommage, par exemple, je voulais nommer mon band demain. Faut que je trouve un autre nom. Ben oui. Tu pourrais aller les voir si tu pourrais les déloger de leur C'est titre. Samedi, ça? Samedi 21 novembre. Ah, je m'en vais voir Jean Leloup. Je vais être à Trois-Rivières. Jean Leloup, Jean Leclerc ou on sait Jean, qui? Jean Leloup, ça c'est Jean Leloup. Okay. Ouais. Rachid Mouhamad, je sais pas quoi. Ah, Rachid Al-Rachid. Ah, non, il c'est vraiment retour à Jean Leloup. Il est pas mal plus trash que Jean Leclerc. Ouh, Massoud. Donc, c'est ça, voilà. Il y a aussi des billets et forfaits pour les trois jours au coût de 60 $, donc 60 $ pour les quatre spectacles. Ça risque d'intéresser Sylvain, ça, 60 $. Ça accote, ça accote brou, 60 $. Ben oui, c'est ce que je disais. Il nous aimera pas, là, notre ami Sylvain. Je vous écoute même plus. T'as baissé le volume de tes écouteurs. Tu fais bien. Et donc, je vous invite, en terminant, donc à consulter le mpourmontréal.com et on va se laisser avec une pièce donc d'une formation qui va être en spectacle jeudi, demain soir, 8h30. C'est The Rural Alberta Advantage. Répète-moi ça, s'il te plaît. The Rural Alberta Advantage. Ça veut rural, dire... Rural. Oui, l'avantage rural de l'Alberta ou... Je sais pas. Et ils viennent pas de l'Alberta, ils viennent de l'Ontario, étrangement. Mais c'est une bonne formation. Puis, donc, il faut aimer la voix nasillarde un peu du chanteur, mais moi, je l'aime bien. OK. On va entendre ça immédiatement. La pilule du lendemain. Sophie, c'est ce qui conclut la chronique stéréotonine. On te retrouvera mardi prochain, aux alentours de 8h30. Sais-tu déjà de quoi tu vas nous parler, ce dont tu vas nous parler? Ça sera une surprise? Ça va être une surprise, mais c'est sûr que ça va être un des meilleurs albums. En mon sens, de 2009. Sophie, on va te souhaiter un excellent séjour au Festival M à Montréal. Merci beaucoup. Au week-end qui s'en vient. Merci beaucoup. Une excellente journée à toi. À vous aussi. OK, on va aller entendre ça immédiatement. La formation qu'on vient tout juste d'entendre, ce n'est pas ce que Sophie et Laforêt vous avaient annoncé, le nom m'échappe, mais c'est bel et bien les Yeyeyes, hein, qu'on vient tout juste d'entendre. Donc, n'oubliez pas ce week-end, Festival M pour Montréal, du 19 au 21 novembre. Bonjour, Monsieur Blais. Debout, là. Il est 7 heures. C'est l'heure de prendre votre pilule. Oh boy, ouais, c'est bien vrai, ça. Oubliez de prendre ma pilule du lendemain. Ma merveilleuse pilule. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de Cifou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7h à 9h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.